tant de délicatesse, prince, ne m'étonne pas chez l'ami de mon oncle, dit Victorin. Je tâcherai de répondre à toutes vos espérances. Allez promptement consoler votre famille. Ah, dites-moi, reprit le prince en échangeant une poignée de main avec Victorin, votre père a disparu. Hélas, oui, tant mieux. Ce malheureux a eu, ce qui ne lui manque pas d'ailleurs, de l'esprit. Il a des lettres de change à craindre. Ah, vous recevrez, dit le maréchal, 6 mois d'honoraires de vos 3 places. Ce paiement anticipé vous aidera sans doute à retirer ces titres des mains de l'usurier. Je verrai d'ailleurs Nucingen, et peut-être pourrai-je dégager la pension de votre père, sans qu'il en coûte un liard ni à vous ni à mon ministère. Le père de France n'a pas tué le banquier, Nucingen est insatiable, et il demande une concession de je ne sais quoi